quatrième et dernier temps de cette série sur l'histoire du sable, ce sable fluide qui coule dans les doigts et parfois se fige en béton aujourd'hui. Après le sable des plages, lundi des déserts, mardi transformé en matière fragile comme le verre, c'était hier. Et bien ce matin, le documentaire de Franck Thoraval et Anne Fleury va s'arrêter au 19e siècle, au moment de réinvention du béton. À cette époque-là, les pays d'Europe sont tous en rivalité et chacun tente d'être l'inventeur d'une nouvelle matière la plus dure possible et la plus malléable possible, à savoir ce béton. Ça peut être le ciment armé, le béton armé, tout un tas de brevets s'accumulent jusqu'au début du XXe siècle. C'est cette histoire qui est racontée par ce documentaire de Franck Thoraval et d'Anne Fleury, avec les témoignages et les analyses de Jean-Pierre Simon, de Franck Gérin, de Pierre-Olivier Boyer, de Cédric Avenier, d'André Guillerme, de Gwenaël Delumeau et de Cyril Simonet, jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Bien reçu. Merci. Passer d'une rive à l'autre, traverser fleuves et rivières, résister à la puissance de l'océan pour guider les navires, endiguer, accoster, créer des voies de navigation, conduire les eaux aux villes. Comment agréger la pierre sous les eaux, douce ou salée, de manière inaltérable? Édifier phares, ponts, aqueducs et aussi entrepôts, silos et égouts afin qu'ils résistent aux assauts des éléments et du temps en temps de paix comme en temps de guerre. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la rivalité des pays d'Europe, souvent en guerre, et le développement des connaissances scientifiques et techniques depuis les Lumières, mènent de nombreux ingénieurs, chimistes ou jardiniers, à rechercher le matériau qui permettra un tel progrès. Avec Jean-Pierre Simon, directeur des usines Vica de Grenoble, nous nous dirigeons vers la cimenterie de la Pérelle, ouverte en 1875. Alors là, on est dans le massif de la Chartreuse. De la Chartreuse. Dans lequel on exploite une veine unique et qui court sur tout le long de la Chartreuse, depuis à peu près Grenoble jusqu'à Chambéry, qui nous permet de faire un ciment qui est basé uniquement à partir de cette pierre. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ciment naturel, le ciment tronc, parce que contrairement à l'artificiel, on va aller mélanger différents types de pierres, hein, calcaire, argile, etc. Là, on va prendre la pierre telle qu'elle est, on n'y fait aucun ajout, on ne la broie pas, on ne la sèche pas, on la cuit, et ce qui sort de la cuisson, qu'on appelle des grumes, contrairement à l'appellation de clinker pour le ciment artificiel, ce qui sort, alors que pour l'artificiel, on va à nouveau le broyer et y mélanger d'autres éléments, à minima du gypse. Pour le tronc, on prend les grumes, on les broie, on n'y ajoute rien et ça donne le ciment tronc. Une autre grosse différence par rapport au ciment artificiel, c'est qu'on extrait cette pierre d'une carrière souterraine. Et paradoxalement, on creuse en altitude. Ici, nous sommes sur la piste qui nous mène au niveau 700, puisqu'on exploite deux niveaux, à 500 mètres d'altitude et 700 mètres d'altitude. À 500 mètres, on a un accès par train, et à 700 mètres, on y accède par 4x4. C'est ce qu'on fait actuellement. On y accédait comment au début de l'histoire de cette carrière? Les chantiers étaient proches de l'entrée, donc on y accédait à pied. Le 4x4, il passe juste, hein, on ne peut pas faire entrer des engins trop gros par ici. Et ce que vous pouvez constater aussi, c'est que contrairement à un tunnel par exemple, c'est que toutes les galeries ne sont pas éclairées en continu. En fait, le travail il est fait à la lumière des engins et des frontales sur les casques. Merci. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est du forage. Comme vous pouvez le voir, c'est un labyrinthe. Hein. Pour vous comme pour moi, on nous lâche au milieu, on aurait du mal à retrouver son chemin pour ressortir. C'est clair. Alors Franck, qui est là depuis 30 ans, il connaît la carrière comme sa poche. On va descendre. Tu te mets en place, Félix ? Là, il va forer dans la pierre. Oui. C'est juste avant de mettre les explosifs, hein, c'est ça ? Voilà. D'accord. Il va recréer la même volée que vous voyez de ce côté-là qui est déjà forée. C'est un schéma de tir à 18 trous. La réinvention du béton. Un documentaire de Franck Toraval et Anne Fleury. Gérard Franck, je suis responsable d'exploitation à la carrière de la Pérale. J'ai 31 ans d'activité sur le site. D'accord. Donc là, on est dans une galerie, on est descendu du véhicule. On a un amas de pierres. Oui. Et donc, c'est la fameuse pierre à pont. Oui. Qui ressemble un peu à de l'ardoise. Oui. Comment on la reconnaît exactement comme ça, enfin vous qui la reconnaissez bah, on la reconnaît en la grattant avec une autre pierre. Si elle marque très bien et qu'elle fasse un bruit un peu mat, faut être un peu habitué, elle fait un bruit un peu mat, on est dans le ciment. Dès qu'on tombe dans la roche beaucoup plus dure, ça fait un bruit beaucoup plus aigu, plus strident, quoi. Et la limite, ici, elle se voit, elle est visuelle. C'est pas toujours le cas. Vous voyez tout le fil ici qui monte jusque là. Ce banc-là, il fait 15 mètres d'épaisseur. Si on s'éloigne, ça va être de plus en plus mou. Et la partie qu'on vient de traverser, c'est carrément du stérile. Là, vous aurez un bruit très clair, très, très dur à marquer. Le foreur, lui, l'entend, celle aussi. D'accord. Donc la partie stérile, c'est une partie dans laquelle il y a quoi ? Il y a trop de calcaire. Trop de calcaire. Trop de chaud. D'accord. C'est impropre à la production. Oui, Pierre-Olivier Boyer, je travaille chez Vika comme directeur des partenariats stratégiques. Le groupe Vika se situe dans la tradition de l'invention du ciment par Louis Vika en 1817, même si la société a été créée plus tardivement par son fils à partir de 1853. Parce que si Louis Vika est originaire du Dauphiné, et il est attaché d'ailleurs à ses racines. Sa première affectation, c'est le sud-ouest. Il est d'abord affecté dans le département de la Dordogne. C'est un jeune polytechnicien ingénieur des mines. Ingénieur des ponts et chaussées. Qui est envoyé à Souillac. Il est envoyé en 1812 à Souillac, dans le département du Lot, pour construire un pont sur la Dordogne. Et il faut savoir pourquoi ce pont. Et bien en fait, on est au début du 19e siècle, depuis 1809, l'Empire, parce qu'on est sous le Premier Empire. L'Empire a lancé une expédition en Espagne et Souillac se trouve sur la route entre Paris et l'Espagne, ce qui est donc un axe stratégique. Et qu'à l'époque, la Dordogne n'était pas régulée par les barrages comme on a aujourd'hui, mais il y avait des débits qui variaient énormément. Et on traversait la rivière sur un bac. Et ce bac, il pouvait arriver pendant 3-4 jours, une semaine, on ne puisse pas traverser. Donc Napoléon décide la construction de ce pont et cette construction est confiée à Louis Vika. Donc il arrive à Souillac en 1812, mais 1812 c'est aussi une année qui est compliquée pour l'Empire, c'est la campagne de Russie. Il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et du coup la construction va mettre un certain temps. Et il va faire dans sa petite maison à Souillac, dans la cour de sa maison, il a un four à pain traditionnel du sud-ouest. Et c'est là qu'il va faire cuire des centaines de formules de mélange d'argile et de calcaire pour arriver à démontrer sa loi de l'hydraulicité des ciments. Donc en fait l'apport de Louis Vika c'est cette démarche scientifique qui est original pour l'époque. Il faut savoir aussi que la France du début du 19e siècle compte très peu d'ingénieurs. Il y a peut-être un ingénieur ou deux ingénieurs par département. Donc on est dans un contexte, en plus d'une France qui est tout à fait à se construire en termes d'infrastructures, de transport. On est aussi dans un contexte de compétition avec nos amis britanniques qui ont pris de l'avance. Et d'ailleurs, pendant le directoire, on crée la société d'encouragement pour l'industrie nationale pour encourager ce qu'on va appeler la science industrielle, cette capacité des inventeurs de l'époque à trouver des inventions qui vont permettre à l'industrie française de se développer. Le pont est un pont en maçonnerie et la problématique de Louis Vicat, c'est d'avoir un lien pour tenir les pierres de ce pont qui ne soient pas emportées par les crues de la rivière. Donc il cherche un lien qui soit solide et qui tienne fortement les pierres. Et à l'époque, ce qu'on lui propose, ça ne le satisfait pas. Donc il va faire ses recherches en s'inspirant effectivement de précurseurs qui avaient approché cette loi de l'hydraulicité des chaux et des ciments, qui donc permet la fabrication industrielle du ciment. Découverte qu'il va publier en 1817 et qui va être reconnue en 1818 par l'Académie royale des sciences, puisque entre-temps, le régime a changé et c'est donc la Restauration. Et Vicat, il a aussi un très bon ami, enfin un ami qu'il a rencontré pendant ses études. Oui, alors c'est Émile Guémard. Émile Guémard qui est également polytechnicien. Alors ils se sont connus à Grenoble. Émile Guémard, lui, est ingénieur des mines. Donc c'est un haut corps qui est formé par l'école polytechnique. Et Émile Guémard va constituer à Grenoble un des premiers laboratoires de géologie, enfin d'analyse des matériaux hors de Paris. Et je pense que c'est un atout aussi pour Louis Vicat pour conduire ses recherches. Sachant qu'en plus, on est dans une région où il y a des gisements, où il y a de la ressource, il y a du calcaire. Et donc quand on joint la capacité d'analyse d'un Émile Guémard, la science et les savoirs de Louis Vicat et la géologie qu'on trouve ici où on se trouve ici en Chartreuse, mais ailleurs aussi autour de Grenoble, on a un écosystème extrêmement favorable au développement de cette industrie du ciment et qui fait qu'à Grenoble, on parle de l'or gris parce que tout le monde se lance dans la production du ciment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc là, on est dans le jardin des plantes de Grenoble. Oui. Il est écrit ici, pont du jardin des plantes, premier ouvrage au monde en béton coulé, construit en 1855 par Louis et Joseph Vicat. Donc le père et le fils. Oui. Le jardin des plantes, en fait, c'est le jardin qui va avec le muséum d'histoire naturelle de Grenoble, qui a été fondé en 1849 sur la base de collections minéralogique d'Émile Guémard. Cédric Avenier. Émile Guémard, le minéralogiste dont on parlait, qui était ami de Louis Vicat, et dans les années 50, en l'occurrence 53, le fils de Louis Vicat crée sa cimenterie au Genevrier de Vif. Il fabrique des ciments artificiels, ils sont ingénieurs des ponts, et il commence à penser à des ponts en béton armé. Le petit pont de Grenoble, en fait, a été dessiné par Louis Vicat et Joseph Vicat. C'est pas un petit pont de jardin, c'est un pont qui est dessiné comme un ouvrage d'art, mais à échelle réduite. Louis Vicat, donc, ne fabrique pas de ciment, il n'est pas cimentier. Son fils Joseph, qui est aussi polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées, travaille avec lui pendant une vingtaine d'années. Mais dans les années 1850, il se pose la question de fabriquer lui-même du ciment. Parce qu'il voit bien que dans le corps des ponts et chaussées, le corps des ponts et chaussées a besoin de matériaux de haute technicité et de grande régularité pour pouvoir fabriquer des ponts, du coup, et des chaussées notamment. Et lui a développé des procédés de fabrication de ciment artificiel. Il commence à faire une petite production en 1953. Et dans les années 55, l'usine commence à tourner avec quelques clients et il est fort probable que ce petit pont soit issu de sa propre production, à la fois parce qu'on connaît Émile Guémard et à la fois parce qu'il montre qu'on peut construire un pont, un prototype, avec des armatures pour les ponts et chaussées. Louis Vicat, on est dans la théorie. L'apport théorique pour le développement de la science du ciment. Joseph Vicat, on est dans le procédé industriel. Pierre-Olivier Boyer. Et là où Joseph Vicat va faire un progrès à l'industrie cimentière de l'époque, c'est dans tout ce qui est suivi du procédé de fabrication, des contrôles. Il est intransigeant là-dessus parce qu'il sait que derrière, c'est la garantie de la qualité du produit. Mais tout ça, ça coûte cher. Et ce qui explique que à partir de 1875, il dit qu'il faut que ma cimenterie en ciment artificiel, c'est dur économiquement. Il faut que je diversifie ma production. Et il va se lancer dans le ciment naturel. Ils vont faire des recherches. Ils vont aussi prospecter sur le plan géologique pour trouver la bonne veine. Ils prospectent tout autour de Grenoble. Et ils choisissent ici, la Pérelle, près de Saint-Laurent-du-Pont, pour implanter cette cimenterie de ciment naturel. Alors, il y a une autre particularité, Louis Vicat, c'est que... C'est une invention d'une certaine manière, c'est une réinvention d'un matériau. Il ne dépose pas de brevet. Non, effectivement, Louis Vicat, c'est le bien commun, le bien public, on veut faire progresser le pays. Donc on a ces générations de hauts fonctionnaires qui sont complètement dévoués à leur pays, c'est-à-dire que Louis Vicat ne se lancera jamais dans le business. Louis Vicat, ça reste un scientifique pur, et au contraire, il va diffuser ses connaissances. Il faut savoir que sa découverte, à partir du moment où elle est publiée par l'Académie des sciences, par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, ça va être repris par les académies étrangères, et cette découverte, elle va essaimer à travers le monde. Mais Louis Vicat, lui, il est effectivement dans le don. Il fait don, il veut faire progresser son pays, et jusqu'à la fin de sa vie, il va continuer à faire des recherches et faire progresser la science de la construction. Alors, André Guilherme, vous êtes ingénieur et historien. Oui. Dans le roman national français, l'idée qui prédomine, c'est que cette redécouverte, cette réinvention du béton est une réinvention française. C'est-à-dire qu'il y a des origines romaines. Vitruve parle d'un ciment romain qui est un mélange de chaux, d'argile et d'eau rose, parce qu'on y met de la pouzzolane ou de la poutre de tuiles, et qui résiste bien au temps. Mais ça traverse très peu le Moyen-Âge. Et en fait, au début du XVIIIe siècle, on sait très peu de choses sur ces mortiers. On sait qu'un mortier, c'est fait avec de la chaux et de l'eau et du sable. Il y a autant de recettes qu'il y a de maçons. Et en plus, tout se change d'une gâchée à l'autre. Donc ça ne marche pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'Angleterre qui est quand même déjà en avance par rapport à la France au plan technologique. Il y a donc un ingénieur qui s'appelle John Smeaton, qui est un jeune et brillant élève de Newton, qui a été visiter le port d'Amsterdam, qui est en plein arrondissement dans les années 1750-1760, qui a récolté toutes les recettes concernant donc la préparation des bétons. Et c'est lui qui va construire le premier grand pont de Londres en utilisant des scaphandriers pour descendre dans l'eau, et utiliser diverses variétés de ciment, du trace de Hollande, qui est une pierre dure calcaire, argileuse, de la pouzzolane, de la poudre de tuileau, il compare. Bon, déjà, il réussit ce pont de Londres, ce qui lui permet de rentrer à l'Académie des sciences britannique, et on se propose pour le sud de l'Angleterre, pour l'entrée du port de Portsmouth, qui va devenir un port de guerre, de dresser un phare, tel qu'il existait auparavant, mais il avait été détruit par les tempêtes, donc un phare qui soit solide. Et dit, je vais construire le phare le plus solide du monde, c'est la mer qui sera vaincue, et le phare qui vaincra la mer. Donc c'est un pont très ambitieux. On parle bien là du phare d'Eddystone. Ouais, hein, ce lieu dit Eddystone. Quand il fait ça, il est tout seul en hiver, avec tout seul sur son île, avec ses ouvriers, etc. Il s'embête. Et donc il imagine un tas de choses comme ça. Et un jour, il mélange des cailloux calcaires enveloppés d'argile, fait une expérience. Il amène ça chez le boulanger d'à côté. Et le boulanger le fait cuire ça pendant 2-3 jours, et il sort cette poudre, et il la broie, il la met dans l'eau de mer, et il s'aperçoit qu'elle tient parfaitement. Elle résiste et ne fond pas. Donc, il a inventé ainsi le béton, la chaux hydraulique artificielle. Donc il fait tout le pont comme ça, et ce pont tient à merveille, donc jusqu'à 1880, le phare. Et en 1792, quand il meurt, on publie donc ses manuscrits. Et en 1806-1807, il y a Lagrange ou Lejean, je ne sais plus, à l'École des Ponts, qui traduit. Les Français sont absolument sidérés de voir ça, parce que eux qui espèrent faire des ports, etc., etc., ils vont donc copier le système. Mais sans dire qu'ils l'ont copié. Alors, Vicat, est-ce qu'il a lu le travail de Smeaton? Il ne vous le dira pas, hein, ça c'est clair. Vicat, c'est un personnage étrange, séduisant. Enfin, c'est un orphelin Il est élevé par son oncle qui est chanoine à Grenoble, qui est mathématicien, qui va le présenter à Fourier, qui est celui qui développe les séries de Fourier, etc., qui est un savant, qui est préfet de Grenoble et qui était en Égypte avec Napoléon, et qui lui dit, mon petit, tu vas rentrer à Polytechnique, je vais t'y préparer. Donc il est rentré à l'école Polytechnique et il a été affecté à l'arrondissement de Souillac, en Dordogne. Il est en charge d'un pont et il fait exactement comme Smeaton. Donc s'il fait exactement comme Smeaton, il a dû quand même entendre parler. Cela dit, dans l'esprit nationaliste de la fin de l'Empire et du début de la Restauration, il avait tout intérêt à dire que c'était lui qui l'avait inventé. Ce qui est intéressant, c'est que ni Smeaton ni Yone n'avaient réussi à sortir de leur pays. Le corps des ponts et chaussées, qui est un corps très solidaire, enfin, ils sont 350, ils sont partout dans le monde. Ils sont en Espagne, ils sont au Danemark, ils sont en Russie, etc. Font passer la recette. D'autant plus que la France, donc en 1818, décide de prendre les expériences de Vicat comme preuve et donc d'établir maintenant du béton pour toute déconstruction, selon la recette de Vicat. Et donc la première traduction donc a lieu en Russie par recours de Charleville et qui traduit donc en russe, de là en polonais, en ukrainien, enfin dans tous les pays de l'Est. Le rapport est traduit en italien, il est traduit en espagnol, de la même manière, etc. Et donc c'est du coup le nom du français devient le seul. Donc Vicat, il a d'une certaine manière été celui qui a rassemblé le savoir, ouais, à un moment donné. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un synthétiseur, plus qu'un innovateur. Juste pour revenir sur la chaux, le ciment naturel, il est cuit comme la chaux, avec des fours droits. Le ciment artificiel, lui, nécessite une cuisson à 1450 degrés, donc c'est des températures de cuisson bien plus hautes, plus difficiles à obtenir, et c'est avec l'apparition des fours à rotation, dans les années 1860, d'ailleurs à Grenoble, 70, avec les industries Morel, qu'on peut commencer à fabriquer du ciment artificiel en un peu plus grande quantité. Mais le ciment prompt, tant que la construction, c'est de la pierre factice, le ciment prompt est plus intéressant, parce que sa rapidité de prise, qui est considérée souvent comme un inconvénient aujourd'hui, est un avantage dans le moulage, dans la rotation des moules, puisqu'on peut mouler, démouler plus rapidement. Donc dans un premier temps, dans le bâtiment, quasiment le seul usage de ce nouveau matériau, c'est la pierre factice. Les ciments naturels prompts, c'est le ciment qui fait les bétons du 19e siècle, est fabriqué pour finalement améliorer les capacités de prise de la chaux, dans un premier temps. On cherche à améliorer un produit et pas réinventer l'architecture. On en fabrique en quantité importante, parce qu'il est facile à produire une fois qu'on connaît les formules. Donc du coup, on va remplacer tout un tas d'éléments préfabriqués avec du ciment naturel pour des raisons de coût. On va remplacer des éléments de terre cuite, on va remplacer des éléments de plâtre, d'ornement et des pierres de taille. En Italie, dans toute l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord et l'Angleterre, on remplace les stucs par les ciments naturels. C'est du moulage appliqué sur les constructions en briques la plupart du temps. Donc là, on a une industrie du ciment qui est celle de l'ersatz dans la construction. On ne change rien au procédé constructif. Comment est accueilli ce nouveau matériau au 19e siècle ? Le ciment naturel passe très bien en général, puisque ce sont les chaux-fourniers, donc l'industrie de la chaux, qui se met à fabriquer du ciment naturel avec des gangues, donc des produits considérés comme du rebut. C'est-à-dire qu'on avait des gangues qui étaient bonnes pour la chaux, qu'on utilisait, et d'autres qui étaient trop riches en argile, qu'on rejetait parce que ça faisait ce qu'on appelait les ciments limites. Et quand Vicat explique aux chaux-fourniers qu'en les cuisant à une température plus importante, ils pouvaient d'un côté utiliser les pierres pour faire de la chaux, et de l'autre côté utiliser les pierres pour faire du ciment, ils n'avaient plus de rebut, mais ils avaient un matériau qui pouvait valoriser. Donc ça fonctionne très bien et ça ne change pas du tout le mode de construction des maçons, puisque construisent en pierre de taille et font des mortiers de chaux, des mortiers de ciment. Ça ne change pas non plus les maçons qui construisent en chantier, puisqu'ils remplacent simplement la pierre par de la pierre factice. En revanche, ça pose un problème aux carriers, qui voient là un sérieux concurrent, puisque c'est évidemment la pierre factice est beaucoup moins chère que la pierre de taille. Il y a un autre corps de métier pour qui ça change, c'est aussi les tailleurs de pierre. Pas immédiatement. Les productions en ciment, en pierre factice, sont utilisées pour les constructions d'usines, d'immeubles ateliers et puis l'habitat populaire. Le centre-ville, le centre des villes reste en pierre de taille. La noblesse du matériau, le matériau noble, c'est la pierre. À partir des années 1880, on commence à avoir des immeubles autour du centre-ville en ciment, en pierre factice de ciment moulé, parce que il y a une crise économique importante. Alors dans des villes comme Grenoble, il y a une expansion de la ville importante et une crise économique, donc on change de matériau, on passe de la pierre au ciment moulé. Mais ailleurs, c'est pas immédiat. Ce qui est même assez étonnant, c'est que la notion de matériau traditionnel, en béton, hein, existe à Grenoble en 1880. Il y a tellement de béton dans la ville et de béton moulé qu'on considère que c'est devenu, dans les années 1880, que c'est le matériau courant de construction. Et l'architecte Alfred Berruyer, qui est l'architecte diocésain en charge des édifices du diocèse, est en charge de la reconstruction de la façade de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Il prévoit de la faire en ciment moulé et il justifie son intervention sur un édifice médiéval en disant qu'il utilise un matériau traditionnel comme le ciment moulé. Et on est en 1881 quand il commence les travaux. Le béton est un matériau nouveau dans le monde entier et à Grenoble, l'architecte diocésain l'utilise en le justifiant du fait que c'est un matériau traditionnel. Cyril Simonet. L'origine, au fond, du béton, de la construction en béton, elle est plutôt à chercher dans cette période, au XVIIIe siècle, quand... dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'édification, on cherche à s'affranchir des corporations de métiers, notamment des tailleurs de pierre, des carriers, etc. Toute la chaîne traditionnelle de la production dans le bâtiment, qui a ses exigences, qui a ses traditions, ses poids, ses lourdeurs. Et un certain nombre de personnages, comment dire, curieux de sciences nouvelles, au XVIIIe siècle, découvrent... Ça marche en même temps que les découvertes archéologiques exploitées par notamment la découverte de Pompéi, d'Herculanum, etc. Et on se demande comment, à regarder ces ouvrages bâtis par les Romains, comment ils faisaient pour bâtir si solide. Et un certain nombre de personnes font des expériences. Les premières expériences sur la chaux commencent à ce moment-là. Et au fond, Vica, Louis Vica, que vous citiez, il est dans cette logique. Derrière Vica, il y a tout un tas d'expérimentateurs, d'essayistes, et notamment deux qui ont fait des expériences un peu étonnantes. C'est deux jardiniers en plus. C'est les deux Joseph Lambeau et Joseph Monnier. Moi je dirais que c'est assez anecdotique. Joseph Louis Lambeau, on en fait l'inventeur, il faut un mythe d'origine, et c'est lui qui prend la place, qui a l'idée de construire cette barque en ciment armé. En 1849, il l'expose à une exposition nationale en France et il l'a fait breveter, je crois, en 1855. Mais pour avoir travaillé sur l'histoire profonde, lointaine, du ciment et du ciment armé, avec notamment Gonel de Limoux, on s'aperçoit que pas mal de gens font du béton armé sans le savoir, sans s'en apercevoir. Il y a une église qui se trouve construite par un personnage intéressant qui s'appelle Coignet, dans les années 1850, au Vésinet, Sainte-Marguerite du Vésinet, qui est une église complètement néo-gothique, dont on ne perçoit absolument pas qu'elle est construite en ciment et en béton. En grattant un peu le matériau en surface, et en voyant des éclats, des épaufrures, je me suis aperçu qu'il y a eu du métal dedans. Donc, il noyait le métal dans ces éléments de béton qu'il appelait le béton aggloméré. Donc, il faisait du béton armé sans le savoir. Et on peut aller loin comme ça. On retrouve des exemples au XVIIIe siècle et même au Moyen-Âge. On peut dire aussi, excusez-moi, Michel-Ange utilise le béton armé. La base de la coupole de Saint-Pierre de Rome, c'est un immense anneau de mortier dans lequel est noyée une chaîne de navire, une chaîne pour raidir en quelque sorte la base de cette coupole immense de Saint-Pierre de Rome. Et ben, c'est du béton armé. Les termes évoluent beaucoup Cédric Avenier. Au XIXe siècle, parce qu'un ingénieur peut utiliser le mot ciment comme nous, on utiliserait le mot béton aujourd'hui. D'ailleurs, les ingénieurs utilisent peu, voire pas le mot béton, parce que le mot béton est un mot vieux français, hein, bétoun, bestourné, etc., qui veut dire mauvaise terre. Le mot béton est beaucoup plus utilisé par les maçons ou par les entrepreneurs ou les petits constructeurs dans les villages pour faire ce qu'on pourrait appeler du béton de terre pisé, ce qu'on appelle communément le pisé, parce que là aussi, il y a une évolution du terme. Hein, et les entrepreneurs mettent longtemps avant d'utiliser le mot béton parce que, commercialement, il n'est pas du tout vendeur. Le mot béton veut dire mauvaise terre. On ne va pas vendre un matériau en disant que c'est une mauvaise qualité. Donc, c'est Coignet qui, au milieu du 19e siècle, François Coignet, qui est d'ailleurs un chimiste. François Coignet développe l'idée de construire avec du béton de ciment ou du béton de chaux pisé. Coignet, c'est pas un maçon, c'est pas un entrepreneur, au sens du bâtiment, on va dire. C'est un manufacturier d'origine lyonnaise et il commence en fait avec une petite entreprise de production d'allumettes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu du bâtiment. Et puis il a l'idée, pour changer encore d'activité, de produire un brevet qui va s'inspirer de la construction en terre, le pisé, et dans laquelle il remplace l'argile, la terre, par du ciment, notamment du ciment et de la cendre de houille. Il dépose un brevet. Donc il est dans cette logique de développement de petites entreprises qui n'est pas du tout la logique du bâtiment. Alors ce qui est intéressant chez Coignet, c'est qu'il va être un des premiers à faire breveter un système constructif. Et il a une carrière qui est en marche avec des hauts et des bas. C'est lui qui construit l'église dont je parlais à l'instant, Sainte-Marguerite du Vésinet, qui connaîtra quelques problèmes parce que son béton, du béton émane des taches qu'il ne contrôle absolument pas. Il utilise quand même son système notamment pour construire des grands équipements de l'époque haussmannienne, l'aqueduc de la Vanne, pour amener de l'eau dans la capitale, qui sont des ouvrages d'art, de génie civil, on va dire. D'autres ouvrages, des murs de soutènement, par exemple, des ouvrages assez modestes, mais qui, effectivement, exploitent son système qu'il appelle le béton aggloméré. C'est le nom de son brevet. Et notamment, je reviens sur cette église Sainte-Marguerite du Vésinet, qui était une sorte de zone résidentielle en plein développement, et notamment avec un promoteur qui s'appelait Alphonse Palu, un Saint-Simonien qui croyait dans le progrès, et qui était ami de François Coignet. Et c'est ce Alphonse Palu, donc le promoteur, le financeur, qui impose le principe constructif pour l'église. Il fait appel à un architecte qui s'appelle Louis-Charles Boileau, qui fait un projet d'une église totalement classique, enfin pas au sens architectural, on va dire néo-gothique, on va dire, mais le matériau est imposé. L'architecte refuse au départ, il dit non, pas question, je connais pas ce matériau, le béton, ça, pour moi, ça n'a pas de sens, hein, je construis en pierre, mais il lui impose, et le projet qu'il réalise utilise ce béton de Coignet, mais qui imite la pierre. Il recrée dans les coffrages le système d'appareillage pour qu'on pense, qu'on croit qu'il est construit en pierre. Mais manque de chance, peu de temps après la livraison du bâtiment, il y a un certain nombre de taches, des vilaines taches, qui apparaissent sur les parois. Et ça, évidemment, ça met en colère l'architecte. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vous avais bien dit que ce matériau, ça vaut rien, on contrôle pas. Vous avez détruit mon ouvrage, vous avez détruit mon œuvre. Enfin, il y a le système de Coignet. Il fait une entrée à la fois fracassante et complètement ratée sur le champ de l'architecture. On est devant l'église Saint-Jean de Montmartre, à Paris, dans le 18e arrondissement. On est devant une façade assez étonnante, en briques mélangées avec des émaux. Il y a une décoration... Céramique. Des sculptures. J'ai l'impression que c'est du un métal ou... Ça ressemble à du métal, oui. Ça ressemble à du métal. Mais c'est pas du métal. Voilà. Mais ça y ressemble, c'est ça qui est important. Et donc c'est un prototype, cette église? On peut le voir comme ça. Techniquement, c'est un prototype, c'est sûr. Architecturalement, c'est aussi quelque chose qui se cherche. Mais surtout, cet ouvrage, cet édifice, fabrique un tas de systèmes relationnels qui, je trouve, est très, très intéressant à aborder, quoi. Et donc, système relationnel entre le béton, la brique... Entre tous les acteurs, alors entre les matériaux, ouais. Entre les acteurs qui se battent économiquement pour faire émerger quelque chose comme une sorte de produit, de système, de jeu de système, de jeu de choses très commerciales, hein, parce que les débuts du béton, c'est un truc très commercial. Et puis l'architecture derrière, les architectes qui viennent aussi se greffer sur... Bref, tous les jeux des acteurs sont quelque part réunis sur un objet un peu singulier comme celui-ci. La construction de cette église, c'est la fin du 19e. Alors, là où c'est intéressant, c'est que c'est un chantier très long. C'est un chantier qui fait 10 années. Et ça se termine en 1904. Entre le début du chantier et la fin du chantier, tout s'est joué pour le béton armé, partout. Dans le monde, le béton armé existe en 1904, alors qu'en 1896, il était balbutiant. Une trottinette. On peut rentrer dedans. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que vous voyez dans cette église? Ce qu'on voit dans cette église, pour le coup, on voit du béton. Mais on sent plus le béton à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, peut-être, oui. Mais ça, c'est peut-être le jeu de... Il y a beaucoup de briques à l'extérieur. Mais cette brique, c'est pas vraiment de la brique. C'est un système très hybride qui contient des briques. Vous savez, les briques, c'est des éléments terre cuite qui supportent bien les charges et la compression, qui sont remplis de béton, en tout cas de ciment ou de mortier, et qui sont enfilés avec... tout un réseau de mailles métalliques. Donc c'est un truc hyper solide, c'est fait pour résister. C'est une église qui a résisté magnifiquement au temps, et quelque part, là, il faut commencer à la restaurer, à l'entretenir. Voilà. Ici, ce que vous voyez, c'est un grand volume qui se développe avec un système un peu gothique, on pourrait dire, un peu transcendé, comme ça, un gothique un peu moderne, et puis un dimensionnement très particulier. Toutes ces épines qu'on voit, tous ces éléments qui se trésillonnent comme ça, ce sont des éléments qui font 7 cm à peine. C'est-à-dire, pour du béton, c'est pas beaucoup. Ils sont très, très minces. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on parlait du béton, puis on se dit, tiens, ça a une apparence de béton. Moi, si je connais pas bien le béton, si je suis à la fin du 19e, je me dis, c'est à la fois du béton, puis c'est à la fois, ça pourrait être de la fonte, quelque chose comme ça. Ça pourrait être... En fait, bref, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Alors, l'architecte qui réalise cette église, il s'appelle Anatole de Baudot. Et Anatole de Baudot, c'est ce qu'on appelle un rationaliste. C'est le fils spirituel de Viollet-le-Duc, par exemple. Un gothique rénové, un gothique porteur de valeurs modernes et qui puisse être toujours, en prise sur son temps. C'est exactement ce qu'on voit ici. Et puis dans les géométries impliquées par, vous voyez, ces petites poutres comme ça, ces poutrelles qu'Anatole de Baudot appelle des épines contreforts, qui sont des raidisseurs. Tout ici est noué, tout ici est en relation. Alors, ce qui fascinait beaucoup Anatole de Baudot, c'est le fait qu'il y ait une sorte d'unité de matière. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les fondations jusqu'en haut, ce soit le même matériau, la même unité, la même économie. Bref, on n'est pas loin d'un fantasme, d'un matériau que l'architecte maîtriserait totalement. Et alors, les fidèles d'Anatole de Baudot, ils disent un truc très très beau. Ils disent, vous avez vu, enfin, on regardera peut-être si on fait le tour de cette église, qu'elle est construite, c'est un véritable ouvrage d'art. Hein. Vous avez vu sur quoi elle est construite? Sur la colline qui bouge sans arrêt. Donc en fait, on a un bâtiment qui vient chercher très très très très très très au fond du sol et qui est construit comme un mur de soutènement. Et puis ils expliquent que c'est très simple. Cette église-là, alors il prend un exemple, c'est un de ses architectes, ça doit être Paul Gou, quelque chose comme ça. Il prend une chaise, il dit cette église, c'est une chaise. On la soulève par le haut, tout vient. Il y a une sorte de fantasme de cette unité de matériaux qui fait que structurellement, on a un bâtiment que Dieu pourrait soulever et il pourrait partir avec. Cyril Simonet, on est devant le bâtiment construit par Enbic, qui était le siège social de l'entreprise Enbic. Oui. Et donc, au 1 rue Danton à Paris, une façade qui a l'air toute neuve et qui, en tout cas, personne ne se dit en la voyant, c'est du béton. Voilà, sauf ceux qui connaissent le nom de Enbic, parce que vous avez remarqué que les sortes de médaillons ont été restaurés et conservés avec le nom du propriétaire, si on peut dire, Enbic. Système Enbic. Le système Enbic. Alors, Enbic, c'est un entrepreneur, pas vraiment ingénieur, mais un bricoleur, un bon bricoleur, on va dire, d'origine belge, qui a amélioré un système qui était déjà, sinon connu, au moins utilisé, qui n'avait pas encore le nom de béton armé, le nom viendra plus tard, et qui consiste en fait à noyer du métal dans du ciment. Et l'entreprise Enbic a fait Florès, a eu un succès absolument phénoménal. Et en 1900, si je ne me trompe pas, il fait construire le siège social de l'entreprise où il n'utilise que des ingénieurs pour calculer les différents projets qui lui sont soumis avec son système. Et alors, effectivement, on ne dirait pas qu'il est construit en béton armé. Il fait appel à un architecte qui s'appelle Arnaud, Édouard Arnaud, qui est un des rares qui a réussi à inféoder, disons, à convaincre de l'intérêt du béton armé, du ciment armé, enfin de ce système, et qui, comme vous le voyez sur la façade, construit dans un style, on peut dire, classique art nouveau, hein, c'est un peu l'air du temps à l'époque, mais qui ne montre en rien la spécificité matérielle du béton armé. Alors c'est intéressant de souligner le fait que, à cette époque, architecture et béton armé, ça ne fonctionne pas ensemble. C'est deux termes complètement antithétiques qui n'ont rien à voir, comme un sac de clous et un fer à repasser. Et Enbic souhaite quand même que l'architecture qui utilise son système, son béton armé, évoque quelque chose de cette matérialité. Et moi, je dirais que le style Art Nouveau, alors qu'il est en vogue en France, et non seulement en France, dans l'Europe entière, privilégie ces formes qui coulent. Et cette idée de matériaux coulants, et notamment, ce sera un des grands problèmes du béton armé à cette époque, c'est que les architectes ne veulent pas travailler qu'un matériau d'origine liquide. Ils disent, d'origine liquide, mais c'est pas, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Mais le style Art Nouveau permet effectivement d'évoquer cette dimension coulante du matériau. Alors, ce sont des bureaux essentiellement, mais il y avait plus que des bureaux, il y avait aussi l'endroit où se réalisait sa revue qui s'appelle Le Béton Armé, parce que Enbic, c'est un entrepreneur extrêmement original, je ne sais pas si vous avez parlé, un grand communicant, et je pense que d'ailleurs dans l'histoire, peut-être pas des entreprises, mais dans le milieu du bâtiment, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. J'avais travaillé longtemps sur son entreprise, qui n'est plus une entreprise, qui est une sorte de système en réseau mondial, centralisé, de concessionnaires qui développent ses brevets dans le monde entier. Et lui devient un bureau d'études. C'est un maçon. C'est un entrepreneur de maçonnerie. Il fait un peu de bois, il fait un peu de fer, mais c'est avant tout, c'est un... C'est un des rares qui n'est pas un ingénieur. Hein. Il n'est pas ingénieur, il est vraiment entrepreneur. Et ce qui est amusant, c'est que dans les années 20, la publicité de la firme Enbic, c'est « Enbic n'est pas entrepreneur ». Parce qu'ils veulent bien montrer que c'est plutôt un bureau d'études. Mais au départ, Enbic, c'est un entrepreneur, c'est une entreprise, plutôt dans la question de la construction, de l'appareillage, de la pierre, etc. Ils maîtrisent ça parfaitement. Et à un moment donné, ils développent une réflexion sur le fait d'industrialiser la maçonnerie. Il va faire de la maçonnerie ce que font les constructeurs métalliques. C'est exactement ça. Il va se transformer en une sorte de Eiffel de la construction maçonnée. Et c'est à ce moment-là que, finalement, il vient concilier la filière métal et la filière béton pour fabriquer du béton armé. Il s'installe à Paris, et puis à Paris, entre 1994 et 1903, il couvre le monde entier avec ses brevets. Il construit en Afrique du Sud, en Chine, au Japon, en Amérique du Sud, et parfois exactement les mêmes silos. C'est un outil, une pièce essentielle dans la circulation des biens, dans la circulation des pondéreux, dans la circulation des routes maritimes, et c'est une pièce absolument essentielle, ni plus ni moins. C'est un acteur presque inconscient. Je pense qu'Enbic, et bien d'autres bien entendu, sont les acteurs de ce grand système, qui n'est pas un système de mondialisation tout simplement, mais de moment où les choses se saturent, se densifient. Un bureau d'études, 140 000 numéros d'affaires, c'est une capacité de produire dans le monde entier, de reproduire et de fabriquer, encore une fois, le monde. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Chose à noter également, c'est qu'à l'époque, alors quand je dis époque, c'est autour de 1900, 1895, 1910 à peu près. Le principal client du béton et du béton armé, c'est l'équipement industriel. C'est pas tellement l'architecture. Il y a quelques éléments d'architecture qui exploitent le béton, non pas pour montrer un ouvrage fait en béton armé, mais pour fabriquer, par exemple, des fondations, des pieux de fondation, des planchers, des choses comme ça. Mais par contre, l'équipement industriel, silos, réservoirs, canaux, etc., qui est en plein développement à cette grande époque de la révolution industrielle, notamment en France et en Europe occidentale, va exploiter le béton armé, parce que c'est moins cher que le métal. Ça a certains avantages également par rapport aux autres matériaux. Le slogan de Enbic, c'est Autour du feu. Autour du feu, oui, oui. Plus d'incendies désastreux. Alors c'est un, effectivement, c'est un slogan, c'est une formule. Très important, la publicité. Alors ce que demande NBIC, c'est de faire des photos systématiquement des chantiers qui utilisent son système. Ces photos sont utilisées ensuite dans la revue qu'il produit, qui s'appelle Le Béton Armé, et dans les différentes manifestations publicitaires ou de démonstrations, les foires, etc., pour montrer l'intérêt de son système. Alors je pense que, bon, c'est une hypothèse que j'ai développée, notamment avec aussi Gonel Delumeau, c'est qu'il y a une concordance à un moment donné entre l'apparition de ce principe de construction et notamment de ce matériau qui rebute. C'est pas du tout un matériau qui est apprécié des architectes, au contraire, ils ne voient pas le béton armé. Il n'a pas de forme, il est gris, il tâche, il est sale. C'est tout sauf un matériau d'architecture. Et le grand problème à cette époque, je pense, c'est de faire accepter cette matière nouvelle comme un matériau possible de création, de construction. Et c'est ce à quoi il va arriver finalement avec cette incroyable manière de diffuser les ouvrages réalisés en béton armé. Alors, donc pendant tout le 19e siècle, on construit des choses en béton armé, en ciment armé, chacun a plus ou moins sa propre recette. Et à un moment donné, il y a la volonté de normaliser tout ça. Comment s'est passée l'arrivée de cette circulaire 1906 ? J'imagine qu'elle ne surgit pas comme ça du jour au lendemain. Alors, non, effectivement. Autour des années 1900, encore une fois, il y a un certain nombre de systèmes qui sont en concurrence. Et c'est de l'inflation, hein, il y en a de plus en plus. En France, avant 1906, bon, qui est une date butoir, comme vous le rappeliez, il y a 260 brevets de systèmes concurrents qui sont tous les mêmes à la fin, qui utilisent du ciment et du métal. Alors pour mettre un peu d'ordre, notamment au niveau des grands ouvrages et des chantiers utilisent l'argent public, l'administration veut normaliser le principe des calculs pour habiliter tel ou tel projet d'ouvrage en béton armé. Parce qu'avant cette circulaire, l'administration exigeait pour les ouvrages publics de réaliser des épreuves grandeur nature où on construisait un fragment de l'ouvrage futur, on le chargeait avec des sacs de sable et puis il fallait que la pièce résiste jusqu'à une certaine charge. Bon alors, c'est pas très commode quand surtout le système commence à se développer et c'est pour ça que on fait appel à des ingénieurs, notamment le fils de François Coignet, qui s'appelle Edmond Coignet, et un autre ingénieur qui s'appelle Napoléon de Tedesco pour obtenir enfin une formule viable, exploitable pour tous. Il y a un événement assez important, l'exposition internationale de 1900 à Paris. Vous savez, le Grand Palais, le Petit Palais, hein, sont les restes de cette exposition internationale. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, énormément d'ouvrages constitutifs de ce gros bâtiment et de tous ceux qui l'accompagnaient à l'époque de l'exposition était construit en béton et béton armé. Et ça a été d'ailleurs un chantier qui a permis de comparer un certain nombre de ces systèmes en concurrence. Et lors du démontage et de la destruction de cette exposition de 1900, rien de tel qu'une destruction pour voir à quel niveau ça flanche, à quel niveau ça se brise, ça se tord, etc. Et donc ce chantier de destruction a été un peu à la source de la mise au point de cette circulaire de 1906 qui a permis effectivement d'être très précis sur les limites de résistance du béton en fonction de tel profil, en fonction de telle quantité de métal, en fonction de tel aspect, de telle composition du ciment, position des ferraillages, etc. Au cours de ce 19e siècle, il va y avoir une évolution des métiers du bâtiment. Quand est-ce qu'un jeune maçon se dit « Oh là là, je vais plutôt m'orienter vers le béton que vers la taille de pierre ?» Les tailleurs de pierre, ils disparaissent avant, si je puis dire, l'émergence réelle du béton. Hein, ce que vous me dites me fait penser une chose. Mais ça, c'est vraiment, la pensée en parlant. L'Art nouveau, précisément. L'Art nouveau, c'est une parenthèse stylistique qui est assez singulière, assez étonnante dans l'histoire de l'architecture, où la traditionnelle composition classique Beaux-Arts, qui repose sur l'utilisation du langage classique, se voit comme perturbée avant que arrive réellement le béton armé et change complètement les systèmes de production, de fabrication des bâtiments. Et l'Art nouveau est caractérisé en partie au niveau de la fabrication par une extrême, comment dire, nécessité de compétences ouvrières. Que ce soit le travail du métal, de la brique, de la pierre, il y a une quantité, d'ailleurs on le voit chez les architectes, de dessins produits pour définir, représenter chacun des éléments constitutifs du bâtiment. Par exemple, le travail de Guimard en France, ces édifices construits dans le 16e arrondissement, c'est des incroyables... C'est de l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie. Et ça veut dire un travail hyper qualifié. Et au fond, l'Art nouveau, c'est comme une espèce de chant du cygne, si je puis dire, de l'intérêt du savoir-faire ouvrier avant la grande déferlante de la déqualification générale qui est occasionnée par l'utilisation du béton ou du béton armé. C'était la réinvention du béton, avec Jean-Pierre Simon, Franck Gérin et Pierre-Olivier Boyer de l'entreprise Vika. Cédric Avenier, André Guillerme, Ganaël Delumeau et Cyril Simonet. Merci à Timothée Souchard, Bertrand Segers, le Clou de Paris et l'église Saint-Jean de Montmartre. Prise de son, Sandrine Malon, Yann Frécy, Cyprien Créton de Limerville, Jordan Fuentes. Mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Franck Toraval, réalisé par Anne Fleury. Voilà donc pour ce quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire du sable, ce documentaire, dernière série de la Fabrique de l'Histoire. Demain, on se retrouve pour l'émission Histoire Actualité. Ça sera la dernière émission de la Fabrique.